Aujourd'hui, Tortoli et Arbatax reviennent chez les Soviétiques. URSS. CCCP. À l'ancienne quoi. Bonjour, bonjour. Bienvenue tout le monde. Comment allez-vous? Comment ça va, Arbatax? Yes, impeccable ma poule. Tortoli, toi, tu vas bien? Très bien. Toujours. Il est 19h, c'est Radio Panique. C'est Tortoli Arbatax, on se retrouve tous les mardis, comme d'habitude, 18h-19h. Et aujourd'hui, on a une spéciale, la spéciale Faucille et Marteau, la spéciale CCCP. Yes. SSSR. Back in USSR. Donc toi, tu serais la faucille ou le marteau? Le marteau. Le marteau. Ouais, ok. Et moi, je te découpe. Je suis la faucille. La faucille. Le générique là qu'on vient de s'écouter, c'était quoi? Alors là, bah, pour la petite histoire, c'est trop lolo. C'était le buzz en 1966 en Russie, puisque c'est une chanson à la base qui parle d'un cow-boy aux États-Unis qui retourne chez lui à la maison. Il est content de retrouver sa femme. Très bien. Sauf qu'à l'époque, l'Union soviétique ne voulait pas qu'on parle des Américains en bien. Donc les paroles ont été coupées. Le mec a refait sa chanson en faisant que des trolololololololo tout le long de la chanson. Et c'est seulement 10 ans après, en 76, que la chanson réelle, la chanson originale est sortie. Mais nous, on préfère la trolololo. La trolololo, l'onomatopée, trolololo. Voilà, il suffit de taper trolololo d'ailleurs sur YouTube pour, et pour la retrouver. Et facile. La vidéo est quand même super marrante. On va s'enchaîner direct, puisque c'est la spéciale CCCP. Vous allez avoir le droit à des chansons russes, des chansons de l'ex-Union soviétique. Oui. Et on débute direct avec la ville de Lénine. Leningrad. Leningrad, c'est le nom du groupe qui a composé le morceau Money. Et voilà, on se le met tout de suite, Leningrad, Money. Деньги в сберегательных кассах. них сегодня можно все купить. Их нужно тратить, а не копить. Oh, money, money, money, money, money, money, money, money. Oh, money, money, money, money, money. Oh, money, money, money, на кармане. Oh, money, money, money, на кармане. Oh, money, money, money, на кармане. Девчонки полюбили не меня. Девчонки полюбили трубача. А у трубача дудка горяча. И я понимаю, что я пролетаю. А у трубача дудка горяча. И я понимаю, девчонки полюбили не меня. Девчонки полюбили брата два. А я брата два замочу едва. И я понимаю, что я пролетаю. А я брата два замочу едва. И я понимаю, что я пролетаю. Соло! Опа! Девчонки полюбили не меня. Девчонки полюбили гармониста, а у гармониста песня льется чисто. И я понимаю, что я пролетаю, а у гармониста песня льется чисто. De retour pour la spéciale CCCP URSS. Vous écoutez Tortoli et Arbatax 105.4 sur Radio Panique. Et là, juste avant, mon petit Arbatax, c'était les prix cons. Les prix consi. Les prix consi. Tu veux pas nous mettre une petite musique derrière? Un truc comme. Comme ça. Ah ouais, tout doux. Tranquille. Merci, merci, merci. Attends, tellement doux qu'on ne l'entend pas. Non, on serait sur un bug. Continue, non, ok, d'accord, très bien. Donc là, juste avant, c'était les Leprechaun Chicks Don't Fall in Love with Me. Et le premier titre que vous avez pu entendre en intégralité, c'est Money de Leningrad. Merci pour le petit son, Arbatax. Voilà. Voilà, il suffisait de demander. Donc on serait sur les lettres L et E pour commencer. Oui, je sais pas. Leningrad et après les Leprechaun. Voilà. Voilà. Voilà, tout à fait. Elle et eux, donc ouais, c'était plutôt bien. Moi, j'ai bien aimé ce début d'émission un petit peu tonique comme ça, un petit peu punchy. Et voilà, et là, on va passer sur un petit groupe qu'on a déjà passé en fait, hein, indirectement. Indirectement, exactement. Mais précise, ça, précise. Mais ouais. Mais on va faire appel à tes talents de DJ, mon petit Arbatax. C'est-à-dire que, en fait, on a déjà écouté lors de la première émission, la toute première, c'est-à-dire en février, souvenez-vous, c'était DJ Vadim qui remixait un titre de Five Niza. Et ce titre est remixé notamment avec l'apport de Big Red, l'ex-Ragasonic, ou plutôt le feu nouveau Ragasonic. Quoi. Ça faisait quelque chose comme ça. Voilà, écoutez. Ça, c'est la version initiale. Five Niza. Я солдат, я не спал 5 лет, и у меня под глазами мешки. Я сам не видел, но мне так сказали. Я солдат, и у меня нет башки, мне отбили ее сапогами. Йо-йо-йо, комбат орет, разорванный рот у комбата, потому что граната белая вата, красная вата не лечит солдата. Я солдат, недоношенный ребенок войны. Я солдат, мама, залечи мои раны. Я солдат, солдат забытой богом страны. Я герой, скажите мне, какого романа? Солдат. Мне обидно, когда остается один патрон, только я или он. Yes, donc ça, c'est Five Niza, et le titre s'appelle Soldat, et là on va s'écouter directement le titre remixé par DJ Vadim, un DJ d'origine russe, et il reprend Soldat sous la forme de Soldier avec Big Red. Big Red aka Ninja Red, DJ Vadim, Wicked Selector. Paris to London, France to England, original rude boy style. I'm a soldier. Soldier. Yo, on peut dire que t'as dit beaucoup, je ne balance que les mots. Tant donné que je m'appelle le Big Radical, ma vision du monde est plutôt négative et c'est chaud. Dur, dur, laissez faire la malle qui s'étale. Qui n'a pas les bouts tous les matins devant les infos. Ça me fout la rage et tout, bien phénoménal. T'as le SSARKO qui me dit les bêtes et vous les fais voir ton trou de balle. Humilier les gens, c'est le vice de la dispo. Si t'es cramé, mais c'est normal. Fouille systématique des mecs pas normaux. Si yes, voilà, donc ça fait ça. Le DJ Vadim Soldier remix de Five Niza. Voilà. Et Five Niza, c'est deux gars, deux Ukrainiens. Deux gars, deux Jones, un à la guitare et puis un chanteur qui chante avec sa qui trompette. Apporte le soleil que la Russie n'a pas, quoi. Oh. Ce qui dérivons du hip-hop au reggae, au bossa, au rythme un peu plus latin, un peu plus chaud. Ouais. Ouais, voilà, un peu raga, etc. Le chanteur fait un peu tout ce qu'il veut avec sa voix. Je vous conseille d'aller voir, ça s'appelle Five Niza, 5 apostrophe N-I-Z-Z-A. Five Mais Niza. Mieux que d'aller voir, tu peux nous passer un petit titre. Eh ben voilà. Par exemple, un petit live qu'ils auraient fait, notamment sur l'hymne, en reprenant l'hymne soviétique de 77. Et là, tu me plais parce que là, tu reviens dans le thème d'aujourd'hui. Là, je reviens dans le thème. Je trouve qu'on s'écartait un peu, Tortoli. Avec Big Red, on s'écartait un peu la faucille de la CCCP, et ouais. Dis-moi qu'on en était loin de la faucille. Alors on se fait un coup de marteau et on revient. On se fait l'hymne soviétique revisité par Five Niza. Ok. Et on revient juste après ça. Tout le monde a dit ok. Великая Русь, здравствует свой страны, воле народа единый могучий Советский Союз. Славься, отец, Quel bel petit enchaînement, c'était Five Niza. Et le titre c'est... Tu peux nous le donner, bah, donne-le-moi en mille. J'ai pas vraiment le titre, hein, mais j'ai bien envie de te dire que c'était l'hymne soviétique de l'époque. Ok, très bien. Voilà, voilà, voilà. Merci, et... on va s'écouter un petit quoi là. Bah là, là on part sur une session un peu plus Jones, puisque le morceau qui vient c'est un morceau de Irakli qui s'appelle Vova Chuma. C'est un morceau qui est assez célèbre là-bas puisqu'il a été médiatisé par, enfin en tout cas il a été fait par un ressortissant de la Star Academy locale, hein. Ah. La fabrique à étoiles littéralement. Et c'était en 2002 et ce mec est sorti largement perdant de la nouvelle star de Russie. Et toi Arbatax, t'es sorti aussi de là-bas je crois, de la fabrique des étoiles. Ouais, voilà, c'est ça. T'as c'est terminé ça. Combien J'ai pas terminé dans le classement, mais j'ai terminé dans les étoiles, carrément. Ouais. Ah bah. Voilà, il m'a carrément envoyé dans les étoiles. Ah, bon. Bonne perf. Avec ? J'en perds mon micro, pardon. Avec Yuri, le fameux margarine, Yuri margarine. Yuri. Okay. Voilà, donc ce mec qui est donc était 17e, hein, 17-18e en sortant de la Starac. Pas terrible. Voilà, juste eu le temps d'apprécier le caviar une semaine. Une sorte de Michal. Et ce mec, en sortant, il fait un tube qui s'appelle Vova Chuma. Ce mec s'appelle Irakli. Et puis après toujours un mec qui s'appelle Stelcy, ce sera le deuxième son. Stelcy il est ukrainien, il fait un peu d'électro. Et puis voilà quoi, ça s'appelle Positive, donc on s'enchaîne ces deux morceaux. Si ça te fait chier de nous parler de ça, tu me l'as dit. Non mais je suis en train de réfléchir qu'on n'enverra jamais un morceau de quelqu'un qui sort de la Starac. C'est vrai. Mais c'est... là tu vois sous couvert que c'est russe, ça passe. Ça passe. Tu vois, on peut balancer n'importe quoi. Et personne ne gueule. Mais c'est ça la Russie, hein. Ça passe et personne ne gueule. Voilà, ah bien. Sous couvert de Russie. Il fait des enchaînements magnifiques, ben, ça voilà, me laisse le temps d'envoyer le morceau. Une référence politique. Vova Chuma. Prends ça, Boris Eltsine. Prends ça. расточительный взгляд, стильно модный заряд. В голове авангард трех девчонок подряд, обаятельный гад. Сладковатый дымок, по спине холодок. Захламленный чердак, на полу кавардак, очень сильный кулак. Всех и ничей, в его глаз хоть залей. Нету круче и злей, у него эгегей, искусительный змей. Обходи стороной, как о стену порой. Гениальный отстой, но бывает другой, ты ему просто спой. Chuma. Yes, mais ouais, en fait j'étais en train de penser à un truc, c'est pour ça que je baisse le son, mon petit Arbatak, c'est que ce Irakli là, comme Michal, il a fait la Starac. Oui, c'est ça, oui. Et comme Michal, il a volé des oranges. Oui, sauf oui, que apparemment. Lui, oui. Il a fait la Révolution Orange. Oui, aussi. Mais Michal, il est où? En prison, maintenant. En prison, ou voilà, où il est peut-être. Représentant commercial dans les surimi ou ouais dans les rillettes ou ouais encore mieux enfin et alors que Irakli il vend des oranges maintenant. Ah lui complètement c'était juste cette intervention que c'est une belle blague qui me trouble et en plus je suis obligé d'envoyer le morceau qui vient. Merci. En plus j'adore le violon, ça s'appelle Stealthy Positive. В нас є і діла, ці ріки знайти для людей, хоч якоїсь утіхи нелегко, не важко, завданням цим тяжко не справити враження, буде поразка для тебе, для мене і всіх, хто навколо. Картопщина не прийме такого. Рецепт ми вживаємо, депресію зняти. Рецепт нас один на людей. Так багато підходьте, хоч іж розкривайте обійми. У нас позитив, руки вгору підійм. Всім даруємо позитив, ми подаруємо і тобі. Подаруємо твоїм друзям і усі твої сім'ї. Позитиву у нас на всіх вистачає. Всім даруємо позитив, ми подаруємо і тобі. Подаруємо твоїм друзям і усі твої. нехай не сумуй, бо у неї вже діти. Візьми позитив наш, він універсальний, спасе від депресії, він капітально. Вигнали з вузу і вигнали з школи. Тримай позитив наш, такий причудовий, розбити машину і батько напився. І тут би тобі позитив знадобився. Компактний, мобільний і не випадково. Це перше, що взяв би з собою в дорогу. Насправді безцінний і тільки для тебе. Ця акція вирішить твої проблеми. Всім даруєм позитив, ми подаруєм і тобі. Подаруєм твоїм друзям і усій твоїй сім'ї. Позитиву у нас на всіх вистачає. Тільки в мене немає і не треба мені. Всім даруєм позитив, ми подаруєм і тобі. Подаруєм твоїм друзям і усій твоїй сім'ї. Позитиву у нас на всіх вистачає. Тільки в мене немає і не треба мені. Це не пропаганда і це не реклама. Це не провокація і не омана. Підходьте, хочеш, розкривайте обійми. У нас позитив, руки вгору підійми. Tortoli. Ouais. Ta vanne sur Michel, elle était quand même bien naze. Elle était un peu naze. Alors là, j'en reviens pas. Pardon, je suis désolé. Envoie donc un petit jingle si t'as ça. Je vais essayer, mais. Un jingle de Ginette là qui nous fait des tortoli Herbatax. Ah oui, je peux trouver. Elle est bien celui-là. Toi, je te le remets. Pas mal, il était pas mal. Pas dégueulasse. Il est un peu rapide, j'avoue, mais bon je sors sortir un. Tortoli dit la faucille. Et Arbatax aka le toto, le marteau. Le toto, le marteau. Tu veux peut-être que je te mette une petite musique par contre derrière. Voilà, on voit une petite musique et puis moi je viens et de attends, me rendre compte qu'il est 18h30. Excuse-moi, parce que vraiment j'avais pas vu l'heure. je me pointe comme ça, mais j'avais pas vu l'heure. Il est 18h30, j'allais oublier ton agenda Q. Mon agenda culturel. Mon agenda culturel. Mais je vais peut-être te mettre une petite musique plus tranquille pour toi. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la fiche mémotechnique d'Arbatax? Laissez-moi vous annoncer que ce week-end, hein, parce que je vais essayer de faire dans le désordre, ce week-end, il y a le Belga de Flaget, le bien nommé. Le café belga. Le café belga. Fête son anniversaire, c'est 8 ans, donc c'est la teuf tout le week-end. C'est gratos, ils installent un barbecue dehors et c'est tout. Voilà. non, bien sûr, il y aura un peu de son. Vendredi, des DJ en live et puis The Van Jets. Le samedi. Ah oui, non, attention. Mais non, mais c'est une préparation de forcené, quoi. C'est des semaines entières et des semaines passées sur la toile. Voilà. À regarder qu'est-ce qui serait bien, qu'est-ce qui serait pas bien. Je fouine partout. Tout ça pour... C'est du contact. Oula, attention, il y a Tchaïkovski qui s'énerve. Attends, là, tu me fais monter en pression là. Excuse-moi. Attends, donc samedi au Belga toujours, ils nous enverront The Weekender, CHK, Paul Murphy from UK et Breakbeat. Bon, hein, pour les connaisseurs, je ne sais pas, ça peut peut-être... Tous ceux qui aiment le Breakbeat. Voilà. Les grands... Et puis ensuite dimanche, ils font leur, ils changent pas leur programme. Hein, c'est toujours Jazz on Sunday au Belga. Et par contre, le soir, il y a un petit live de Sold Out, les Belges. Ok. De Sold Out. Voilà. Donc le samedi Breakbeat et le dimanche Sold Out. Sold Out, c'est full. C'est full, c'est Sold Out et c'est free. Voilà. C'est tout ça en même temps. Voilà, et tout ça au Belga. Merci le Belga. Ensuite, qu'est-ce que tu nous proposes autrement? Ensuite, samedi, c'est la Boom Party à la Brasserie Bellevue. Donc, à partir de 22h, il t'en coûtera 5€ en pré-vente et 7€ sur place. Là-bas est prévu une petite teuf un peu électro, funky, tout ce que vous voulez. C'est des DJ qui seront là. Il y aura deux dance floors, donc ça dansera toute la night à partir de 22h. J'ai quelques noms en vrac à vous fourguer. Fanfare du docteur Pombak, qui seront peut-être à un autre endroit dans la journée, on verra ça plus tard. Il y a aussi DJ Malt, Arelger, Jonathan Custer. Sur l'autre dance floor, il y aura DJ Lojo et Little Horn, et il y aura DJ Car Crash Disco. Tout ça, la Brasserie Bellevue, 43 quai du Hainaut, la Boom Party. Toi, c'était coup de cœur en fait, DJ Car Crash, Lojo et tout. Tout ça, c'est tu kiffes quoi. T'as retenu les deux plus faciles, tu veux pas prononcer les autres là? Parce que j'ai bien galéré. T'écris trop mal sur ta fiche. Ok, et laisse-moi faire le dernier, regarde, à la perfection. Jeudi, dans deux jours, jeudi 17, au BDM, alias Bar du Matin à Albert, c'est gratos, il y a un concert des KMGs. Les KMGs, c'est les Crazy Mess Groovers, et sur le site du Bar du Matin, ça annonce du jazz aérien, du funk puissant et de la disco sointante. Donc si avec franchement... Là, ils nous font rêver déjà. Ah, du jazz aérien, mec. Toi, t'as commencé comme ça, en jazz aérien. Voilà, c'est à l'époque, ouais. T'étais bien aérien déjà. J'étais bien fly. Bien haut, quoi. Bien fly, ouais. Ouais. Je suis redescendu un peu sur le funk puissant. Ah, très bien. Voilà, et ça, c'est gratos. Hein, c'est au Bar du Matin, jeudi. Voilà le petit agenda cul, tranquille, ça mange pas de pain, mais. En même temps, je laisse un peu de place pour ton agenda cul. Bon, pardon. Ah ben voilà. Pour ton agenda cul tout recyclé. Ah, j'ai l'impression que tu manges les mots comme tu manges ton agenda cul. On s'envoie un petit morceau maintenant pour faire passer la pilule. La pilule culturelle. Ouais, et d'ailleurs, je peux même te présenter le prochain morceau. C'est des bonhommes. Ah, ce serait bien de les présenter, c'est ça vrai. C'est des jeunes un peu fous. Enfin, follement tranquille quand même. Ils s'appellent. Voilà. Voilà, il s'appelle Vladivostok, voilà, comme cette ville tout à l'est de la Russie, puisque nous sommes dans la thématique CCCP, la spéciale URSS. Tu d'aujourd'hui. Fais bien de le rappeler, espèce de faucille. Voilà, on essaye. Merci Marteau. Le titre s'appelle Jivier Belarus. On peut peut-être discuter là-dessus. Jivier Belarus, ça se traduit comme liberté au Belarus. Biélorussie. Et voilà, ils sont là en soutien quoi. Donc c'est un petit punk rock qui vient comme ça. Il faut quand même dire que ce groupe est français et c'est. On n'a jamais trop su, mais on n'a jamais trop moins, su, ouais. Mais apparemment ils sont basés quand même en France et il se trouve que après plusieurs voyages au Bélarus, ils ont décidé, enfin plusieurs de leurs membres ont décidé de consacrer une chanson à la liberté au Bélarus. Oui, parce que on peut le rappeler vite fait pour casser l'ambiance. Là-bas, c'est une dictature. D'ailleurs, il y a les élections l'année prochaine, dans un an. Et tu y seras en plus. Je n'y serai pas, puisque j'ai pas le droit de vote là-bas comme tout le monde. non, pardon, on va pas finir l'émission là. Voilà. Il va y avoir des mecs qui vont. Élection là-bas l'année prochaine, et on peut dire un dictateur est au pouvoir et les libertés sont largement réprimées. Et donc Vladivostok nous propose ce petit morceau. Vladivostok, ils en sont quand même en trois albums, hein. Trois albums. Exact. Ils ont fait des festivals en Ukraine aussi l'été. Il me semble, ouais. Le dernier album s'appelle Caravane illégale et je crois que ce titre Jivier Belarus que tu vas nous lancer. Oui. Est sur l'album Polizai. Tout à fait. Voilà, on voit bien le rapport Polizai Belarus. We'll be right back. censure et bientôt du sang sur les murs. Où j'y vivais la rousse. Allez, Arbatax reprend un verre de vodka. Ah ah ah ah. Et toi aussi, Tortoli, rigole pas. Ah ah ah. Un shot de vodka pour tout le monde. C'est la spéciale CCCP. Santé les gars. Hic hic hic. Beau jingle, beau jingle. On remercie la jeune femme qui nous fait les jingles. Merci Ginette. Merci. Non, Grignette. Ah non, je ne sais plus. Ah non, Grignette, c'est autre chose. C'est autre chose. Pour les comment on appelle ça, les téléspectateurs de TF1, il y a 10 ans, s'en souviendront. Mais Grignette. Ginette, ouais, c'est peut-être Ginette, ou non. Patricia. Ah, oh, je sais plus. Bernadette. Je connais plus son prénom. Peu importe, de toute façon, parce qu'il est l'heure. C'est l'heure de l'agenda. Que l'agenda culturel. L'agenda culturel. Yes, Torto. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Sur ton papier de la semaine dernière. C'est vrai que... Voilà, Ginette aurait pu faire des jingles, mais aussi un peu de rangement. Certains vont se moquer parce que cet agenda culturel ressemble un peu à celui de la semaine dernière. Mais il y a une raison toute simple pour ça, que je ne vais pas vous donner, parce que ça reste de l'ordre du privé, donc ça reste entre nous. Tu n'as plus de papier chez toi. Mais voilà, exactement. Tu connais mes problèmes. Oui. J'ai des gros problèmes de papier. Je peux quand même vous faire mon agenda culturel, il consiste notamment ce samedi, parce que moi je commence le samedi les week-ends, voilà c'est comme ça. C'est ça, mais c'est pas... À 15h il y a le reggae bus au parc du cinquantenaire, ça vous connaissez. T'es sûr hein. Ouais, comme samedi dernier. Ouais, un petit peu comme samedi dernier. Il n'y a pas France-Paraguay, il y a peut-être France-Chine, je sais pas, mais de toute façon on n'ira pas, on regardera pas. Peu importe, il se trouve quand même que je suis un peu énervé parce que tu m'as piqué la moitié de mes informations, à savoir le café Belga, les 8 ans. Ça, tu peux rayer, ça c'est fait. Ouais, ça, je raye. La boom party dont je voulais parler. Coche, ça c'est fait. Voilà. Bon, je peux toujours vous parler de Solange Lafrange qui vient jouer au Burst dans le cadre du festival Outloud. Oui. Souviens-toi. Oui. Enfin, je l'ai dit la semaine dernière. Tu l'avais annoncé la semaine dernière, mais t'avais pris un peu d'avance. Voilà, c'est comme ça. On a un peu d'avance parce que on est un peu en. On n'est pas pressé en URSS. Hein. On est tranquille. Comme ça. On voit les choses venir, pas peur. J'ai quand même une petite nouveauté. Ça serait le Libertine Super Sport qui est le samedi. Qui est samedi au canal et c'est le Sound Pellegrino Label Night, notamment avec Tequila Tex et Orgasmic. Sound Pellegrino, bien sûr. Ouais, Sound Pellegrino. Pas le Sound Pellegrino qu'on boit, le Sound Pellegrino Label Night, c'est le label Tequila Tex et Orgasmic. Donc 5€ avant minuit, 10€ après minuit. Voilà, ça se passe au canal, à côté d'Isère. Il y a une autre chose dont je voulais vous parler, c'est la fête de la musique qui a lieu ce samedi, mais Place des Palais à Bruxelles, donc en face de la Maison du Roi, quasi quoi. Oui, c'est ça. Tiens, pendant que tu parles des artistes de la fête de musique, je vais aller faire quelques arabesques. Attends. Ah, pardon. Je mets sur mes pointes et je pars. Je te laisse continuer. Voilà, je veux pas te déranger pendant tes pointes. Effectivement, tu pointes. Pas mal. Voilà, s'il y avait une caméra dans ce studio, ça serait beau. Toujours est-il que la fête de la musique aura lieu du 17 au 21 juin. C'est beau. Voilà, c'est beau. Et ce samedi, notamment à la Place des Palais, vous pourrez voir le Grand Master Flash. Grand Master Flash. Ouais, The Message, souvenez-vous. Toots and the Metals également, qui seront juste avant. Il me semble qu'il y a Anthony Joseph, Dominique A. Voilà, tous ces concerts sont bien sûr gratuits. Et oui, c'est la fête de la musique. Merci Jack Lang. Voilà. Merci Jack. Et mais attends, il y a un truc, voilà, je voulais te le dire, Arbatax. Parce que il me semblait qu'on devait accueillir un mec juste avant de terminer. Oh là là là là. Laisse-moi ça. Mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Oui, on est triste. C'est pour ça on met une musique triste. C'est normal. Un organisateur de la fête de la musique qui devait venir nous en parler. Il y avait une personne qui devait venir nous parler de son événement qui aura lieu au Parvis de Saint-Gilles. Malheureusement, il m'a envoyé un texto de manière assez laconique. Il t'a tweeté. Il m'a même. Voilà, il s'en battait à moitié. Il m'a envoyé un texto, il m'a dit non. What the fuck? J'ai rendez-vous avec la RTBF pour une interview, donc je peux pas venir. Ce mec, je vais quand même lui faire sa petite promo. Lui faire quoi, sa petite promo, parce qu'il me semble qu'il est jeune et qu'il est assez poilu. Poilu et dynamique, étudiant et rentre dedans. Et bavard, hein, dis donc. Ça se déroule donc. Bavard pour un absent. Ça se déroule au Parvis de Saint-Gilles, au Carré de Moscou. C'est ce samedi à 17h30. Et voilà, c'est quoi? C'est une battle de fanfare, mec. Yes, ça c'est original. Ça c'est original. Une battle de fanfare. C'est ce qu'il m'avait dit de dire. Il t'a bien conseillé, c'est normal. C'est un mec assez comment dire? Je trouve pas les mots, cette musique m'agresse. Ok, bah attends, vas-y. C'est vrai que... C'est pour ça. Là, on est sur du Tchaïkovski. Donc, l'événement aura lieu ce samedi à 17h30. Il s'appelle Battle Fanfare, 3 fanfares, la clinique du docteur Pumbak, Rambi Bambo et la nouvelle Flibus qui viennent jouer à tour de rôle. Et c'est au public de désigner les gagnants sous forme de carton de couleur qu'on lèvera, nous, dans le public. Et il y aura un mec qui viendra ambiancer tout ça. Voilà, les 3 fanfares. Ça va être sous le signe du festif, sous le signe du bonheur, sous le signe du soleil, de l'été. Il y aura également des surprises au Parvis de Saint-Gilles à 17h30, à partir de 17h30. Tu veux commenter un peu ça? Des surprises? Tu joues avec tes boutons, wow, là. Mais quoi comme surprise? Tu joues avec tes boutons. Effectivement, je suis en train de jouer. Voilà, c'est à 17h30, ça s'appelle Battle Fanfare et c'est au Parvis de Saint-Gilles. Et on va pouvoir juste se donner rendez-vous là-bas. Merci Arbatax d'avoir écouté mon agenda culturel en foireuse. Non, on se rejoint là-bas directement. Donc samedi au Parvis de Saint-Gilles. Voilà. Je connais bien, j'y suis tout le temps. De toute façon, j'y suis tout le temps. Donc avec ta carapace. Quand j'entendrai les poum poum poum, je me pointerai au Carré de Moscou. Voilà. Oh putain. Tu vois, j'ai quand même bien écouté. Le lien est quand même assez évocateur. Carré de Moscou, spécial CCCP. On est encore sur des. T'es vraiment le plus fort, hein, au niveau de l'agenda culturel, t'es vraiment. C'est cran au-dessus, quoi. Un cran au-dessus. Moi, je dors pas le lundi soir, hein, je travaille sur mon agenda cul. Voilà. Par contre, on va pouvoir se mettre un petit son. Ouais. Toujours sous le thème du Bélarus. Oh, l'enchaînement de malade. Mais on est presque de l'ordre du professionnel. RTB, attention, on arrive. On arrive. Alors attends, oui, sur le thème du Bélarus, voilà, Gourzouf qui était sur Brubru, sur BXL, il n'y a pas très longtemps. Ouais, c'était au Recyclard, il y a peu de temps, ouais. Je sais pas, je dirais 15-20 jours, Gourzouf, un duo, un drummer. Oh, cette musique, arrêtez-moi ça. Un batteur et un accordéoniste, super original comme groupe, ils ont un album, ouch, en pleine tronche, le barret. Il va passer par le Velux celui-là. Une casquette qui a Gourzouf, donc du level. Moi, j'ai bien aimé Gourzouf. Les morceaux, l'accordéon, c'est génial comme instrument. Et puis, on passe de sentiments à d'autres. On monte, on descend. La vodka commence à faire de l'effet. Il y a de l'intensité. Les langues, c'est délit. Ça me fait plaisir. Donc, le titre, c'est Freedom, un peu en rapport avec le titre d'avant qui était Jivier Bélarus. Et donc, Freedom, le groupe Gourzouf, un duo du Bélarus. Et j'en parlerai si je veux après. Si je te coupe pas. Thank you. C'était Gourzouf. Yes, Gourzouf, pas mal. G-U-R-Z-U-F. Vous retrouverez de toute manière la playlist sur le site de Panic, sur notre page et également sur le Facebook. Voilà, et Gourzouf, ils ont un album qui tourne, c'est Non-Existent Movie. On le trouve pas partout, effectivement. C'est même assez dur de le trouver, mais ils ont un MySpace, donc allez voir Gourzouf. Ils tournent pas mal cet été en Allemagne, un peu partout. Exact, juste derrière, on va se mettre Sveta Kolibaba, Hey DJ, suivi de Gypsy and UFO. Zdob zip zdoub, ça s'appelle. T'as vu mon accent de l'Est? Pas mal. Pas mal. Людям тесно, мы всю ночь не будем спать, будем с друзьями зажигать. Делай, делай, делай скрэч. Эй, диджей, давай, делай скрэч. Делай, делай, делай скрэч. Делай. Звучат во мне, я могу танцевать с тобою и на Марсе, и на Луне. Нет на танцполе свободного места. Люди танцуют, людям тесно. Мы всю ночь не будем спать, будем с друзьями зажигать. Делай, делай, делай скретч. Эй, диджей, давай, делай скретч. Давай, делай скретч. Aujourd'hui, Tortoli et Arbatax reviennent chez les soviétiques. URSS. CCCP. À l'ancienne quoi. В таборе на лесной поляне с детства стал бродягою, как и все цыгане. Но однажды засиял НЛО в тумане, и похитили меня инопланетяне. Инопланетяне. Экипаж зеленокожий воспитал меня как мог. С меня прошли мало галактических дорог. Но быть не мог на Элиса с вами. Теперь я снова здесь, снова вместе с вами. Инопланетянин, не смотри, что с виду я инопланетянин. Паря в простой душе, как и все цыгане. Хочешь, карты разложу, ну а ты послушай. Про любовь и про судьбу, про родную дух. Yes, tout bon. Voilà, voilà. C'était A Gypsy and UFO, Zdob, Zips, Doob. Ouais, facile, facile. Et là, on se remet un petit trololo. On l'entend en fond. Un petit trololo pour se dire au revoir. Ça fait écho à notre générique de début. On va pas déroger à la règle, même si on est sur une spéciale URSS. On va se quitter sur un classique. Hein, on annonce Ivan Rebrov, le ténor. Kalinka. Kalinka. Elle est belle. Voilà, donc ça va venir. Et puis voilà. Et puis on va se donner rendez-vous pour la semaine prochaine. Tortoli. Et la semaine prochaine, il y a encore une spéciale. C'est incroyable. Ça, la semaine prochaine, spéciale 90s, les années 90, les années 90. Là, pour tous ceux qui sont de cette génération-là, ça va être du pur bonheur. Là, vous... Donc rendez-vous la semaine prochaine hein, à 18h. On va s'envoyer tout ce qu'on a oublié mais qui cartonnait à l'époque. Et ça va vite revenir dans vos têtes, hein, il me semble. Et puis voilà, si vous voulez nous rejoindre sur le Facebook, c'est Tortoli et Arbatax, Facebook. Et puis pour nous écrire des un mails. Mail, propositions, tout ce que vous voulez, des morceaux, des événements, vos petites booms. C'est Tortoli et Arbatax, tout attaché, @gmail.com. Voilà, très bien dit mon petit Arbatax. Voilà, et puis, voilà, on voit les blinis, hein, ma poule. On voit les blinis, je vois que les petits akouskis sont frais. Ah, très bien, ok. Moi j'étais encore sur la vodka, là, je reste là-dessus. Ah, bah attends, ça n'empêche pas. Pardon. Mais toi, tu bois de la vodka zéro. Oui, moi c'est de la vodka zéro, c'est pour ça qu'on ne voit pas de différence. Très bien. Eh okay. bien, Arbatax, je te donne rendez-vous la semaine prochaine à 18h pour une spéciale 90s. Ça marche. Salut les petits blinis, ciao. Ivan Rebrov. Kalinka. Malinka. Ciao. Salut et Tortoli. Ciao. Satuya gadamarene kamarene kamaya. Kalene kakalene kakalene kamaya. Satuya gadamarene kamarene kamaya. Nasvidaniya Tortoli. Kalene kakalene kakalene kamaya. Satuya gadamarene kamarene kamaya. Hertil Krasa Babavisa Dosha Babadevica Palo Vizhev